C'est le temps du commentaire de disque, commentaire de disque de la semaine qu'on peut retrouver sur les sites de Centraire, www.centraire.qc.ca, Québec Pop au www.québecpop.com ou encore sur ma page Facebook de Canrock, CANROCK sur Facebook. Cette semaine, Welcome Soleil, Annie Blanchard. Deuxième album de reprise pour Annie Blanchard, mais cette fois-ci avec des classiques francophones. Welcome Soleil est rempli de beaux souvenirs remis au goût du jour grâce à une réalisation impeccable. Cette belle dose d'énergie débute avec la chanson qu'on va entendre dans quelques instants, C'est la saison. Ça nous donne vraiment l'univers du disque et la qualité de la production. Annie Blanchard a de nouveau fait appel à un spécialiste du son country américain moderne, George Béliveau. Il a su créer des arrangements solides et pertinents qui accompagnent merveilleusement une Annie Blanchard plus mature, plus confiante que jamais, ce qui nous offre une exécution vocale hors du commun. Vraiment, là, on sent toute la voix, la présence d'Annie Blanchard. Comme à l'habitude, je vous donne quelques adresses. C'est disponible sûrement sur Distribution Plage, www.plage.net. Ou encore, si vous allez tout simplement sur le annieblanchard.com, vous pouvez découvrir l'univers de Annie Blanchard et vous procurer ce disque ou un de ses disques passés. On va y aller, comme je vous disais, avec une première plage. C'est la chanson qui débute l'album, qui donne vraiment le son du disque. C'est un classique que Patrick Normand a déjà chanté, si je me souviens bien. Voici tout simplement Annie Blanchard avec C'est la saison, tiré de son album Welcome Soleil. Pour comprendre ce qui nous rend heureux, pour comprendre ce qui rend facile quand la saison d'amour nous le grand talent de M. Béliveau nous livre de belles petites perles sur cet opus. Travailler, c'est trop dur, et en est un bon exemple. Ce classique country de Zachary Richard prend des allures de folk rock des plus entraînants. Autre classique qui se refait une beauté, et je crois en l'amour, dont les orchestrations me font penser à du bon vieux Eagles. Vous allez voir, on va l'entendre dans quelques instants. Donc, il y a aussi Welcome Soleil, qui obtient également une belle cure de jouvence, folk rock, grâce à une superbe trame de piano. On croira entendre également du Charlie Daniels Band en écoutant La Prison de Londres, vous allez voir en fin de commentaire. Et je termine avec, bien sûr, Evangeline, déposée sur une trame de guitare acoustique majestueuse. Les orchestrations de cette belle version mettent en valeur le très beau timbre de voix d'Annie Blanchard. Allons-y maintenant, comme je vous disais, avec Je crois en l'amour, très belle version qui fait un peu Eagles. Voici tout simplement Annie Blanchard, tirée de son album Welcome Soleil. Qui redescendent tôt ou tard. Je ne crois pas au prix de l'or qui monte, descend et change de bord. Que l'Est et l'Ouest soient opposés et que je sois un jeune premier, mais je crois en l'amour. Je crois en la vie. Je crois aussi en l'amitié, et je crois en toi. Je ne crois pas que la musique soit faite de cris et d'électrique. Je ne crois pas que Dieu ne voit que ceux qui prient à haute voix. Je ne crois pas que noir c'est noir, que noirs et blancs n'ont qu'une caresse soit défendue, que Charlebois soit inconnu, mais je crois en l'amour. Je crois en la vie. Je crois aussi en l'amitié. Et je crois en toi. J'ai besoin me rend heureux. C'est tout. Et je crois en nous. Je ne crois pas à Superman ni à Tarzan dans sa savane. Je ne crois pas à la politique de nous des anémiques. Je ne crois pas à ces frontières qui viennent séparer deux frères. Que tout soit bien, que tout soit mal, et qu'un chagrin soit très banal. Mais je crois en l'amour. Je crois en la vie. Je crois aussi en l'amitié. Et je crois en nous. Je crois en l'amour. Je crois en la vie. Je crois aussi en l'amitié. Et je crois en toi. Thank you. Souvent, la force d'un ou d'une interprète est de bien s'entourer. Annie Blanchard a fait confiance au réalisateur arrangeur de grand talent, à la personne de Georges Béliveau. Il a su entourer Annie Blanchard avec des musiciens très talentueux, dont Jean-Guy Grenier au pedal steel. Ce produit exceptionnel nous captive avec une dizaine de belles chansons remises au goût du jour. Au final, un son solide et rafraîchissant. Découvrez ou redécouvrez ces classiques francophones via annieblanchard.com ou encore, comme je le disais, distribution plage, www.plage.net. On va s'écouter avec un grand classique de la musique folklorique. Presque tout le monde a chanté cette chanson-là en version folklorique. Mais Georges Béliveau a proposé à Annie Blanchard une version un peu plus Charlie's Daniel Band, du bon country rock solide. Voici Annie Blanchard, La prison de Londres. Un prisonnier. Personne ne venait le voir. Tam dililam dilam dililam. Personne ne venait le voir. Que la fille du geôlier, que la fille du geôlier. Dites-moi dans la belle. Tam dililam dilam dililam. Dites-moi dans la belle. Demain si je permis et le cœur du pays chantait. C'était dans le temps des belles folies, le petit bonheur et la belle vie, et le cœur du pays chantait. Octobre sans crise ni automne, harmonium entre les hommes, Jerry qui chantait. fait comme un coyote pour 6 millions de sans-culottes. Bon, dommage que c'est de fou, mais personne n'avait peur du loup. Notre langage, on croyait au plus beau voyage, et le cœur du pays rêvait. L'amour voguait à toute voile sur le gazon sous les étoiles, et le cœur du pays chantait. Octobre sans crise ni automne, harmonium entre les hommes. Jerry qui chantait comme un coyote pour 6 millions de sans-culottes. Bon, dommage que c'était fou, mais personne n'avait peur du loup. Sur des airs de la Renaissance, on voulait faire l'indépendance, et le cœur du pays criait. L'innocence avait un nom, les sandales et les cheveux longs, et le cœur du pays chantait. Octobre sans crise ni automne, harmonium entre les hommes. Jerry qui chantait comme un coyote pour 6 millions de sans-culottes. Oh, dommage que c'était fou, mais personne n'avait peur du loup. Puis ce fut les années 80, la musique de plus en plus loin, et le cœur du pays dormait. Mais demain, il y a un autre jour, chacun son temps, chacun son tour, et le cœur du pays chantait. Octobre sans crise ni automne, harmonium entre les hommes. Jerry qui chantait comme un coyote pour 6 millions de sans-culottes. Bon, dommage que c'était fou, mais personne n'avait peur du loup. Personne n'avait peur du loup. Personne n'avait peur du loup. Monsieur Michel Lalonde est tout simplement le cœur du pays. Michel qui travaille tranquillement pas vite en ce moment sur un prochain album qui devrait sortir, je pense, à l'automne. On va surveiller ça, on va mettre un homme là-dessus pour avoir une copie de cet album-là. Michel qui s'est promené un peu, il a été pour Radio-Canada en Saskatchewan un bon bout de temps. Il est à la retraite maintenant et il prépare un nouvel album pour l'automne, comme je disais. Michel Lalonde qui est bien connu également pour faire partie, oui, des Raquettes à claquettes, mais membre fondateur de la formation culte Garoulou avec son frère Marc, entre autres. Donc, je vais surveiller ça. Je vais voir là, durement que l'album de Michel Lalonde sera disponible. Je vais essayer d'en avoir une copie et le faire tourner ici à Canrock avec grand plaisir parce qu'on tourne les artistes franco-canadiens. Et c'est ce qui a commencé notre bloc de l'Est Québec-Ontario qui se poursuit avec Christine Saint-Pierre. Christine Saint-Pierre qui était en tournée pan-canadienne au mois d'avril-mai et un peu juin également. Elle était récemment au Festival de guitare folk d'Elmer. Et là, le 20 juillet, elle sera au Black Sheep. C'est que Mark G, Nevitt Ben vont lancer leur nouvel album, Open Shutter. Et ils ont confié l'ouverture, la première partie de ce spectacle-là à Christine Saint-Pierre, donc le 20 juillet, du côté du Black Sheep Inn à Wakefield, endroit où il y a toujours de très bons spectacles. On va l'écouter justement, Christine Saint-Pierre, avec les femmes. Il y a un beau vidéoclip, je pense, qui est encore disponible sur ma page Facebook ou sur YouTube, Très beau clip pour cette chanson-là. Les femmes, allez voir ça. C'est tiré de son album « La promesse », qui est sorti, voilà, une petite secousse, je pense, c'est à l'automne que c'est sorti. Donc, très bonne chanson de cet album-là. Les femmes, Christine Saint-Pierre, ça s'en vient très, très bientôt, là, dans quelques instants. Par la suite, pour terminer notre bloc de l'Est Québec-Ontario, ben, la première partie, du moins, et la première heure, on va écouter un artiste qui s'appelle Kiris. Kiris, originaire de la France, mais qui reste à Toronto maintenant, a participé à Rond-Point 4 au mois de septembre dernier, ben, l'année passée. Et j'ai vraiment été étonné. Vraiment un très beau style, très belle guitare, très belle voix, très belle musique, de très belles paroles. Et je fais justement un commentaire sur ma page Facebook de son album « Nous ». Un album très humaniste, très universel, assez intéressant, merci. Et j'ai eu le temps de jaser avec lui, le temps d'une petite entrevue pour CFRH. Un gars très simple et très engagé envers la communauté mondiale, universelle, de très belles paroles et très bon album, vous allez voir. Donc on va entendre la pièce qu'on va entendre, c'était un succès à Rond-Point 4, cette chanson-là. On va entendre dans quelques instants « Le cœur du monde » avec Kiris. Mais là, juste avant, c'est Christine Saint-Pierre avec une très belle chanson qui s'appelle « Les femmes ». Harcelée, exploitée, elle peine à crier. Déplacée, réfugiée, elle peine à continuer. Délaissée, oubliée par le monde entier. Sort méconnaissable, égaré, effacé par la souffrance si palpable, compétent, travaillant devant l'impossible, survivant, combattant face à l'incompréhensible. Oh, toutes ces femmes au courage étranger, je vous prie de résister, car je n'ai voyager d'un bout à l'autre en funambule sur les frontières. L'amour se sirote comme une menthe à l'eau tout autour de la terre. À ceux qui ont des idées haut placées et qui ignorent notre idéal, allez voir comme le monde est beaucoup plus que ce que vous pensez. Puisqu'ici bas, les cœurs du monde, faut qu'on entende haut, les cœurs du monde. Puisqu'ici bas, les cœurs du monde, faut qu'on entende haut, haut, les cœurs du monde. Puisqu'ici bas, les cœurs du monde, faut qu'on entende haut, les cœurs du monde. Puisqu'ici bas, les cœurs du monde, faut qu'on entende haut, haut. Si je monte sur la scène, c'est pour toucher le fond de vos cœurs. Montrez-moi vos visages que j'y peine. Des sourires en couleur, je rêve d'un effet planétaire. Que tout le monde se prenne la main, qu'on fasse vibrer cette planète Terre. Meilleur lendemain, puisqu'ici bas, les cœurs du monde, faut qu'on entende haut, les cœurs du monde, puisqu'ici bas, les cœurs du monde, faut qu'on entende haut, haut, les cœurs du monde, puisqu'ici bas, les cœurs du monde, faut qu'on entende haut, les cœurs du monde, puisqu'ici bas, les cœurs du monde, faut qu'on entende haut, haut, les cœurs du monde. Secousses, les cœurs du monde. Faut qu'on standardise, les cœurs du monde. Avant qu'ils l'interdisent, les cœurs du monde. Faut qu'on l'entende comme un tambour, les cœurs du monde. Faut qu'on l'entende tous les jours, les cœurs du monde. Levez les bras pour, les cœurs du monde. Élevez vos voix pour, les cœurs du monde. À l'unisson criez encore, les cœurs du monde. À l'unisson criez plus fort, les cœurs du monde. À l'unisson criez encore, les cœurs du monde. À l'unisson criez plus fort, les cœurs du monde. À l'unisson criez encore.